sont les nébuleuses du ciel et de la terre. Tu danses dans ta robe blanche qui laisse deviner tes mystères. La force nucléaire de tes hanches et ta chevelure à la couleur de l'or prise dans l'espace sidéral. L'éclat de beauté galactique, les nuits noires.